Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Bulle d'Oreille, la seule émission entièrement consacrée au cinéma d'animation. Pour commencer, j'aimerais que vous imaginiez une petite ville du sud-ouest, puis un superbe théâtre à l'italienne, rajoutez à cela le plaisir d'un bon foie gras, des enfants de tout âge découvrant les expérimentations de Norman McLaren de Lenlai ou s'émerveillant devant un spécial TV, des rencontres privilégiées avec des cinéastes français très talentueux, des bénévoles d'une incroyable générosité, un jury composé de gens passionnés et passionnants, les films d'un réalisateur allemand, amateur d'espace et de forme, rajoutez à ça un peu de neige et de grêle, une organisation quasi parfaite, des conférences très instructives, des heures de court-métrage réalisées grâce aux techniques les plus diverses qui font la richesse du cinéma d'animation. Si en plus vous ajoutez à tout ça du temps si précieux pour pouvoir apprécier en toute tranquillité tout ce que nous avons imaginé précédemment, eh bien tout ça n'est pas un rêve, car si vous êtes venu au Festival d'Auch cette année, c'est ce que vous avez vécu. Et si vous n'étiez pas là, c'est ce que nous allons essayer de vous faire partager pendant les deux prochaines heures. Alors le Festival d'Auch, c'est tout ce que je viens de décrire, certes, mais c'est aussi un palmarès. Et le grand gagnant de la QV 2005, c'est l'ENSAD, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, puisqu'ancien ou nouveau, les élèves de cette école ont remporté 6 des 12 prix décernés. Et j'ai le plaisir de tous les recevoir ici aujourd'hui. Alors je commence par la championne toute catégorie, puisqu'à elle seule, elle a remporté 3 prix, catégorie étudiant, prix SACD et prix jeune, Valérie Pearson et son sublime film Pistache. Bonjour Valérie. Bonjour. Ensuite, Jérémy Clapin, qui a reçu une mention honorifique pour, et je cite le jury, les qualités de son scénario, son univers graphique et sa brillante réhabilitation finale de l'esprit d'escalier pour une histoire vertébrale, sûrement le plus tendre et émouvant film du festival. Bonjour Jérémy. Bonjour. Puis, deux habitués des prix. Tout d'abord, Sébastien Odenbach et son très sensuel deuxième film, Des câlins dans les cuisines. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et enfin, Arthur de Pince pour son irrésistible révolution des crabes. Bonjour. Bonjour Arthur. Beaucoup de monde aujourd'hui donc dans le studio, mais bien sûr mon tour de table ne serait pas complet sans que je vous signale la présence essentielle d'une des mémoires du cinéma d'animation et de Bulle de Rêve. J'ai bien sûr nommé Serge Corman. Bonjour Serge. Bonjour, très honoré. Quelle parole merveilleuse. Je sortirai plein de fierté et la poitrine bombée de alors, ce studio. Pour commencer, j'aimerais que chacun d'entre vous, en quelques mots assez rapides, nous décrive un peu son Festival d'Auch. On va commencer par Valérie. 2005. Décrire mon festival, j'ai pas une grande expérience des festivals, donc c'est voilà, c'est j'espère. Mais c'est vrai que moi j'avais juste été une fois à Annecy avant, qui est le gros festival incontournable, et Auch a été une expérience très très agréable parce que c'est en fait beaucoup plus petit, beaucoup plus convivial. Et la ville est petite, on croise toujours les mêmes gens, donc on fait peut-être plus facilement des rencontres. Et donc en ça, je trouvais ça beaucoup plus agréable à Annecy, où là, il y a des tas de gens et finalement, on reste plus avec les gens avec qui on est venu. On dit que là, c'était plus familial, convivial, quoi. Voilà. Jérémy ? Moi, en fait, le festival d'animation, le premier que j'ai connu, c'est Annecy. Et c'est un peu lui qui m'a donné envie de faire de l'animation, parce que j'ai vu beaucoup de films. Et en venant à Auch, en fait, on m'avait dit beaucoup de bien. On m'a dit que c'était un festival vraiment où tous les réalisateurs venaient. Toute l'animation française, en fait, se retrouvait à Auch. Et c'est vrai qu'en y allant, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qu'en allant à Annecy. Là, je vais y aller à Annecy cette année, peut-être j'en rencontrerai beaucoup. Mais en fait, c'est très facile, effectivement, de voir une personne un jour et de la recroiser le lendemain. À Annecy, c'est peut-être plus dur. Et sinon, j'ai une petite déception pour le temps, parce qu'on m'a toujours dit qu'il faisait très beau à Auch, et il n'a pas fait si beau que ça, mais en même temps, tout le monde était dans les salles, donc ça, c'est bien. Et voilà, donc ce qui était bien, c'était qu'on avait à la fois, on avait toutes les générations de l'animation, on avait aussi les réalisateurs, quelques producteurs, et puis le public aussi de Auch qui était vraiment là pour, surtout le jeune public était là vraiment pour soutenir les films, donc ça c'était aussi très bien. C'est vrai que cette année a été particulièrement gâtée au niveau du temps, et Sébastien Odenbach n'a pas pu voir ça parce qu'il est parti plus tôt. Oui, oui, moi le résumé que je peux faire du festival, c'est que pour moi le festival a été trop court, parce que je ne suis resté que 2 jours et c'était les 2 premiers jours. Donc je suis parti un peu avec regret, mais en même temps avec l'envie d'y revenir. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout, c'est la programmation. Le fait que dans un programme d'une heure, d'ailleurs la durée aussi des programmes est assez bien sentie, puisque une heure, c'est juste ce qu'il faut. Et dans un même programme, on peut à la fois voir des courts-métrages, des films d'étudiants, des films de commande ou de télévision, et avec des publics aussi très divers. J'ai bien apprécié la présence de, voilà, d'enfants, de familles, de scolaires. J'ai trouvé que c'était un festival qui était très intégré dans la ville, sans doute grâce à l'action d'ailleurs de Ciné 32 qui co-organise le festival. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a... Tout à fait, vous avez tous été marqués par ça, par les enfants, avant de donner la parole à Arthur. Et les enfants, alors, les salles. Je voudrais ajouter qu'il fallait voir ces enfants attentifs du début à la fin, alors qu'on avait l'impression, au début, en les voyant, non qu'ils hurlaient ou se démenaient, mais qu'ils ne tiendraient peut-être pas le coup, feraient des remarques, comme sont les enfants, n'est-ce pas? Or, ils ont été extrêmement bien encadrés, et tout s'est très bien passé, même pour des films qui étaient un petit peu au-dessus de leur compréhension. Ça, c'est dû au fait que les professeurs aiment l'animation et ont déjà préparé leurs élèves depuis des années, n'est-ce pas? Grâce au ciné-club et tout ça, ce sera peut-être là-bas qu'on trouvera un public, enfin, pour le genre de film que nous faisons. Lorsque ces enfants seront adultes, il y aura certainement des retombées parce qu'ils sauront ce que c'est que le dessin animé par rapport au grand public actuellement. Justement, est-ce que pour vous, réalisateurs, c'est important, vous faites des films quand même aussi pour adultes, est-ce que c'est important de voir des enfants réagir? Bah, disons que c'est, effectivement, c'est pas du tout la... Alors, je me bats avec le micro depuis tout à l'heure. Donc c'est Arthur voilà, Depin, donc on la voix. Voilà. Et on donc a le micro vient de tomber. Je vais continuer à parler pendant qu'ils sont en train de revisser le truc. Oui, en fait... C'est vrai que tout le monde en parlait à Auch parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants, donc c'était particulièrement plus que les autres années, paraît-il d'ailleurs. Enfin, je suis venu qu'il y a 4 ans, mais c'est vrai que Ciné 32 fait vraiment un super travail justement, ça favorise beaucoup les scolaires à venir, et on sent vraiment que les enfants, comme disait Serge, sont préparés, ils posent beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'ils viennent pas comme pas mal de fois, c'est-à-dire comme uniquement comme une sortie, comme s'ils allaient à la piscine, c'est-à-dire que on sent que les instits avant, on les ont préparés, leur ont expliqué comment on faisait le dessin animé, etc. Et ce qui rend du coup, ce qui fait des séances avec des enfants captivés, et pour nous c'est génial d'avoir ce public-là. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas toujours tous les jours la chance d'avoir un public d'enfants, et les enfants, par exemple, ne rient pas au même moment que rient les adultes, par exemple. C'est quelque chose qui est assez amusant et qui permet un peu de se confronter à un nouveau public. On va dire moins intellectuel, plus peut-être plus sensible aussi d'ailleurs, et puis de voir un peu son film et ceux des autres un peu sous un nouvel angle, et puis d'apprendre beaucoup. Et puis en tout cas, sinon pour le festival, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est vrai que je suis comme tout le monde, je suis un peu déçu par le temps, mais le reste était super comme d'habitude. D'accord. Serge, un petit mot sur oui, eh bien, je dirais que c'était une bénédiction d'avoir un temps pareil, parce qu'on grelottait à l'extérieur et qu'il n'y avait qu'une solution, c'était de se réfugier dans les salles. Pas pour dormir, on n'aurait pas pu, parce que la plupart des séances étaient passionnantes. C'était une surprise de ne pas voir le soleil, parce que je me rappelle qu'il y a 2 ans, nous étions avachis sur les terrasses, et j'étais en short, et puis on n'avait pas du tout envie d'aller avec la meilleure volonté du monde, s'enfermer dans les salles. Je ne me suis pas du tout attendu à cette période glaciaire dans cette partie de notre pays. Enfin voilà, il y a un bon côté de fréquentation qui n'en a pas souffert en ce qui concerne les salles. Vous l'aurez remarqué, 2 personnes m'ont à l'appel aujourd'hui. Annabelle, encore retenue par son fameux cours de danse, et Olivier Catrin, qui est normalement présente et dirige l'émission, mais qui a décidé de prendre quelques jours de vacances bien méritées. Nous les saluons naturellement d'ici, et ils sont parmi nous par l'esprit. C'est donc moi qui, m'échappant de ma chronique mensuelle, vais tenter de vous accompagner tout au long de cette émission. Et juste avant de parler avec nos invités, on fait une petite news musicale et on écoute Franck Monnet avec « J'adore t'écrire ».